Et troisième stratégie, nous avons commencé de parler qu'il faut développer une complicité financière avec Dieu. On a commencé de parler de cela il y a 2 semaines et la semaine passée, nous avons été bénis avec l'apôtre Sarah Bounjo jusqu'à dimanche dernier. Et ce matin, nous voulons retourner dans le thème de la complicité financière avec Dieu. Et vous savez quoi, le privilège que nous avons ce matin, c'est que Dieu a demandé que le pasteur Noah nous parle de ça. Et nous l'accueillons. Caribou. Alléluia. Alors, il va nous parler en swahili, comme d'habitude. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'appelle Noah Obacha. Il est kényan. Il travaille à Bunia, chez nous. Il est directeur national des Samaritan Purse à RDC. Et donc, il a la parole, il a l'esprit de Dieu et il a la grâce. On est prêt à l'écouter? En fait, je vais mieux dire, on est prêt à écouter Dieu? Il n'est qu'un instrument. Caribou. Bonjour. Bonjour, papa Jacques. Je connais papa Jacques. Dans ma famille, il y a papa Jacques. Rafiki Yango. C'est un ami. Nataka tuendelee. J'aimerais que nous continuions. Nilikuwa nafundisha habari ya kutoa. Je parlais des offrandes. Na nataka nitarudia mambo ingine nilisema kwa ile kilti ingine. Je veux répéter certains éléments que je parlais au premier kilt. Lakini ingine nitaingia tu ndani kidogo kuliko vile nilisema. Pour d'autres, je vais entrer en profondeur un peu différemment. Na kwanza nilisema Mungu si ati hako na amekosa pesa. Je commençais par dire que Dieu n'a pas carence des finances. Sababu 124 inasema dunia na vyote vilivyomo ni vya Mungu wetu. Dans Psaume 24, il est dit que le monde et tout ce qui y est appartient à Dieu. Sasa wakati anatuitisha tutoe, si sababu yeye amekosa hapana. Lorsque Dieu nous invite à offrir, c'est pas qu'il manque. Non. Ni kwa sababu yetu. C'est pour nous qu'il est dit. Na tena hatutoi ndio tupate wokovu. Nous n'offrons pas pour obtenir le salut. Tunatoa sababu tayari tumeokoka. Nous offrons parce que nous sommes sauvés. Unajua kama ninakupenda ninakupatia kitu kukuonyesha ninakupenda. Si je t'aime, je te donne quelque chose pour te prouver que réellement je t'aime. Si kupati sasa ndio nikupende hapana. Je ne te donne pas et puis t'aimer après. Non. Ninakupatia sababu ninakupenda. Je te donne parce que je t'aime. Sasa tayari tuko ndani ya Kristo. Nous sommes déjà en Christ. Ndiposa tunatoa. Et c'est là que nous donnons maintenant. Ni kanuni ya kiroho kutoa. C'est un principe spirituel de donner. Na iko na objectif mingi ya kutusaidia. Et il y a beaucoup d'objectifs qui y sont attachés. Na kwa kilti ya kwanza nilisema sadaka yako ni wewe. Au premier kilti je disais que ton offrande c'est toi-même, ça te représente. Ni wewe unajiweka. C'est toi qui t'offres. Sasa kwa mfano ukitoa sadaka. Lorsque tu donnes l'offrande, ni kama wewe umeingia ndani ya hiki kapo. C'est comme si toi-même tu entres dans ces paniers. Alafu ni Mungu ameenda kuchukua fasi yako. Alors c'est Dieu qui prend ta place. Nataka ni kuonyesha ndani ya maandiko sababu kwa kilti ya asubuhi si kuonyesha maandiko. J'aimerais parler, lire quelques versets parce qu'au premier kilt je n'ai pas beaucoup lu. Unakumbuka story ya Naaman na Gehazi. Rappelez-vous de l'histoire de Naaman et Gehazi. Naaman akakuja kwa Elisee akasema uniponye. Haman est venu dire au prophète Élisée, guéris-moi. Na Élisée akamponya. Et Élisée l'a guéri. Na Haman akasema niko na sadaka nataka nikupatie. Haman dit non, j'ai l'offrande à te donner. Mimi nawaza Élisée alipima akaona hii ukoma bado huyu mtu amebeba ndani ya moyo wake. Je pense que Élisée a ses devoirs et dire non, cet homme a encore la lèpre dans son esprit. Dieu imetoka kwa mwili. Oui, il est guéri par le physique. Lakini bado ameibeba. Mais en lui, il y en a encore. Élisée akasema, ah, mimi sitaki sadaka yako. Élisée dit non, non, j'ai pas besoin de ton offrande. Lakini Gehazi alikuwa na tamaa. Mais Gehazi désirait. Akakimbia kumfuata Élisée. Il est allé rapidement. Kumfuata Naaman. Il est allé rapidement vers Aman. Hii ni kitabu cha Wafalme wa pili chapitre 5. Deux rois chapitre 5. Ukisoma kuanzia verse 20. Le verset 20. Lakini utasoma peke yako baadaye. Tu vas lire toi-même après. Sasa wakati alimfuata yeye akapokea sadaka kutoka kwa Naaman. Lorsque Gehazi est allé, il a obtenu cette offrande venant de Aman. Alipokuja Gehazi alipokuja mbele ya Élisée. Lorsque Gehazi est venu devant Élisée. Élisée alipomwona. Lorsqu'il a vu Élisée. Hakuona Gehazi tena. Il n'a pas vu Gehazi. Aliona Naaman. Mais il a vu Aman. Akasema ile ukoma ilikuwa kwa Naaman sasa iko juu yako. Il a dit maintenant cette lèpre qui était sur Aman est sur toi. Na ikajitokezea mara moja. Et directement c'est apparu. Connexion ilikuwa gani? Quelle a été la connexion? Ilikuwa sadaka. C'était l'offrande. Sasa wakati tunaleta sadaka kwa Mungu, lorsque nous apportons nos offrandes à Dieu, ni sisi tunajileta. C'est nous-mêmes qui nous apportons. Pamoja na shida zetu. Avec nos problèmes. Tunakuja kuziwacha hapa. Nous venons les déposer ici. Kwa madhabahu ya Mungu. À l'autel de Dieu. Alafu madhabahu ya Mungu. Et l'autel de Dieu. Inatupatia uzima. Nous communique la vie. Inatupatia mahitaji yetu. Nous donne la réponse à nos requêtes. Inatupatia vitu zenye tunataka. Nous donne ce dont à quoi nous aspirons. Mchungaji ni representant ya Mungu hapa. Le pasteur, le berger est le représentant de Dieu sasa, ici. Mahitaji ya mchungaji kanisani. Le requête du berger à l'église. Kwa sababu kanisa si ya mchungaji. Parce que l'église ne lui appartient pas. Yesu alisema nitajenga kanisa langu. Jésus a dit je bâtirai mon église. Kwa hivyo kanisa ni la Kristo. L'église appartient à Christ. Sasa mchungaji akisema tunahitaji kitu fulani. Et lorsque le berger dit que nous désirons quelque chose, ni kinywa cha Mungu kinasema. C'est la bouche de Dieu qui parle. Tunahitaji kitu fulani. Nous avons besoin de quelque chose. Wakati wewe unakutana na mahitaji ya ile kanisa, et quand tu rencontres les requêtes de l'église, unagusa moyo ya Mungu. Et quand tu réponds aux requêtes de l'église, tu touches le cœur de Dieu. Sababu yeye atasimama kama Paulo, parce qu'il va se lever comme Paul. Na aseme Mungu wangu, et dire mon Dieu, atakufanyia, va te faire vile bien, ulitaka, tel que tu le désirais. Na ni Mungu anasema, et c'est Dieu qui parle ainsi. Kuna kitu kigumu mbele ya Mungu kweli? Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible devant Dieu? Sasa wakati tunatoa, lorsque nous offrons, ni échange tunafanya. C'est le change que nous faisons. Niposa ninapenda nitoe kila wakati. Raison pour laquelle je désire ardemment donner à tout le temps. Wakati ninapata opportunité mimi utoa. Quand j'ai une opportunité de donner, j'offre. Wakati mwingine tunatafuta opportunité ya kutoa. Quelquefois, je cherche les opportunités pour donner à Dieu. Wapi ninaweza tolea Mungu leo? Où est-ce que je peux offrir à Dieu aujourd'hui? Unatafuta sababu unataka upate kitu. Tu cherches les causes pouvant te motiver à donner. Si ati sababu ni biashara, hapana. C'est pas que ce sont les affaires, non. Lakini ni principe, ni kanuni ya kiroho. C'est un principe spirituel. Ya kuwa wakati unatoa, que lorsque tu offres, ni wewe unajitoa. Tu t'offres toi-même à ni Dieu. Wewe unakufa kwa sababu yako. Tu meurs pour toi-même. Ni wewe unaacha volonté yako. Tu abandonnes ta volonté. Unachukua volonté ya mwingine. Tu prends la volonté de quelqu'un d'autre. Unawacha priorité yako. Tu mets de côté tes priorités. Unachukua priorité ya Mungu. Et tu prends le priorité de Dieu. Ile ndio maana ya kutoa. Ça c'est la raison pour laquelle nous offrons. Tunatoa sababu tunampenda. Nous offrons parce que nous l'aimons. Tunampatia maisha yetu. Nous lui offrons nos vies. Wakati tunaingia kwa ndoa, lorsque nous entrons dans le mariage, kama ni mke, si c'est une femme, kwa mfano mke wangu leo, exemple ma femme, akikuja hapa, si elle vient ici, ataitwa mke wa Noah, elle sera appelée femme de Noah, ataitwa jina lake, elle ne sera pas appelée par son nom, anaitwa madame Noah, elle est appelée madame Noah, na akikuja akasema huyu ni madame Noah, si elle dit celle-ci c'est madame Noah, oh mtamheshimu kama Noah, vous allez la respecter comme vous respectez Noah. Kwa sababu gani? Pourquoi? Aliwacha volonté yake ya kuitwa jina yake. Elle a abandonné son nom. amechukua jina yangu. Et il a porté mon nom. Sasa popote mimi naheshimika. Partout où je suis respecté. Yeye ataheshimika. Elle sera également respectée. Ile ndio maana ya kutoa. Ça c'est le sens de donner. Hatutoi sababu tunasaidia Mungu. Nous n'offrons pas parce que nous aidons Dieu. Hatutoi ati sasa pasta atatajirika hapana. Nous n'offrons pas pour dire que le pasteur deviendra riche. Tunatoa sababu yetu sisi wenyewe. Nous offrons pour nous-mêmes. Tulikuwa na kanisa letu. Nous avions notre église. Na tulikuwa ndani ya shida mingi. Nous étions dans beaucoup de problèmes. Kwa miaka mingi kanisa haikukua. Pendant beaucoup d'années, l'église n'était pas là. Ilikuwa na watu saba. L'église avait, n'avait que 7 personnes. Na hao watu saba. C'est 7 personnes. Baada ya ibada. Après culte. Inamaanisha mchungaji aingie kwa mfuko awasaidie nauli ya kwenda nyumbani. Il fallait que le pasteur prenne de son argent pour payer les transports. Lakini bado tulilipa ile hall ya kanisa mahali tulikuwa tunakutania tulilipa. Nous payons toujours la location. Tulilipa nyumba ya mchungaji. Nous payons toujours la maison du pasteur. Mchungaji alikuwa na mavazi. Le pasteur avait toujours des habits. Na bado tuliendelea vizuri. Et nous avions toujours continuer à le faire. Sababu gani? Pourquoi? Sababu si ati kanisa inategemea matoleo yetu. C'est pas que l'église aspire trop à nos offrandes, désire. Lakini Mungu anataka tuparticiper pamoja na yeye. L'église ne dépend pas de nos offrandes, mais Dieu veut que nous participions. Ndio apate kitu ya kushikilia kututembelea. Pour qu'il trouve une cause pour nous bénir. Unajua acha niwachekeshe kidogo. Je vais vous faire rire. Hii pia mimi unifanya nacheka kidogo. Sababu ukipata mtu mwenye anatoa, si tu trouves quelqu'un qui offre, yeye kupagawa na mapepo ni ngumu. Il est difficile qu'il soit possédé par des démons. Kwa nini? Pourquoi? Sababu leo ametolea pasteur zawadi. Aujourd'hui, il a offert au pasteur zawadi. Hiyo siku ingine ametolea tonto Jack. Le lendemain, il offre à tonton Jacques. Hiyo siku ingine ametolea pasteur Noah. Autre jour, il offre au pasteur Noah. Sasa nikiangalia hivi nasema Mungu mkumbuke huyu ndugu. Quand je vois ceci, je dis Dieu, souviens-toi de cette personne. Watu kumi wanakuombea. 10 personnes prient pour toi. Shetani atakuwa na nafasi kweli. Le diable aura des places. Lakini wewe mwenye huwa utoi. Mais toi qui n'offres pas. Nini itaactiver mtu akuombe? Qu'est-ce qui va motiver à quelqu'un de prier pour nini toi? Nini itafanya mtu akukumbuke? Qu'est-ce qui va motiver à une personne de se souvenir de toi? Ni ngumu kukumbukwa. C'est difficile qu'on se souvienne de toi. Sababu nikienda ndani ya maombi. Si je vais dans la prière. Majina yenye nakuja ya kwanza. Le premier nom qui apparaît devant moi. Ni watu walinigusa maishani kwa njia fulani ama ingine. Ce sont des personnes qui ont touché mon cœur. Lakini kama haukunigusa, si tu n'as pas touché mon cœur, nitakukumbuka namna gani? Comment je vais me rappeler de toi? Tuseme ukweli wa ndugu. Disons la vérité. Ama inaendanga namna gani? Ama unapenda tu uambie, pasta unikumbuke. Tu veux seulement dire, pasteur, souviens-toi de moi. Inakuishia pale, atakukumbuka tu hiyo masaa. Il va te souvenir de toi à ce moment-là seulement. Lakini enda umununulie chai jioni pale kwa mkahawa. Va lui payer des cafés le soir. Hata usipomwambia akukumbuke. Même si tu ne dis pas souviens-toi de moi pasteur. Akipita pale kwa ile mkahawa. Lorsqu'il passe à ce restaurant là. Takuwa anasema na alinileta hapa. Mungu amtetee huyo. Il dira ah elle m'avait où il m'avait amené là. Que Dieu se souvienne de lui. Hiyo ndio maana ya kutoa. C'est ça l'essence de donner. Ni sababu yako. C'est pour ton bien. Si sababu ya Mungu. C'est pas pour le bien de Dieu. Sadaka. L'offrande. Sadaka ni ya muhimu sana. L'offrande est tellement importante. Na penye moyo wako iko. Là où est ton cœur? Ama penye utajiri yako iko. Sorry, là où est ta richesse? Ndio penye moyo wako itakuwa. C'est là que ton cœur sera. Sasa utajiri yako iko wapi? Où est ta richesse? Utajiri yako ikiwa kwa madhabahu ya Mungu. Si ta richesse est à l'autel de Dieu. Ata moyo wako kupatikana hapa ni rahisi. Même ton cœur sera facilement attaché à l'autel de Dieu. Kuna watu wakigonjeka leo nyumbani. Il y a des gens qui, lorsqu'ils tombent malades à la maison, ni rahisi kujua fulani amegonjeka. Il est facile de dire, de repérer que tel est malade. Sababu tunasikia mioyo yao hapa inaumia. Parce que le cœur sont meurtris. Sababu mioyo yao iko hapa. Leur cœur sont ici. Utajiri yao wameweka hapa. Leurs richesses ont été investies kuwasikia ici. Kuwasikia ni rahisi. Pour les atteindre, c'est facile. Lakini kama moyo wako haiko hapa. Si ton cœur n'est pas ici. Hata kukumbuka ndugu fulani ni mgonjwa tumwende tumuone ni ngumu. Même pour nous pour nous rappeler que tel est malade, allons le visiter, c'est difficile. Sababu moyo wake haiko hapa. Son cœur n'est pas ici. Nini ufanya watu wakuwe membre ya église? Qu'est-ce qui fait que les gens soient membres d'une église? Est-ce que ni kukuja chaque dimanche? C'est venir chaque dimanche? Est-ce que ni kukua kiongozi ama kukua membre ya comité fulani? C'est d'être responsable dans le département? Hapana. Je crois non. Ile inatufanya tujulikane ndani ya physique sisi ni membre église. Ces choses-là font que nous soyons connus physiquement que nous sommes membres. Lakini ndani ya monde spirituel. Mais dans le monde spirituel. Ni sadaka zetu zinafanya tukue membre église. Ce sont nos offrandes qui font de nous membres d'une église. Wakati tunatoa sadaka zetu hapa. Lorsque nous donnons nos offrandes ici. Na mchungaji anasimama. Et le pasteur s'élève. Anasema Mungu madhabahu hii itetee watoto wako. Il dit Seigneur que cet hôtel parle en faveur de tes enfants. Haitatetea wengine wetu. Ça ne parlera pas d'autres. Sababu mioyo yetu haiko hapa. Parce que leurs cœurs ne sont pas ici. Lazima mioyo yetu ikue hapa. Il faut que nos cœurs soient ici. Nimejifunza siri mingi za kiroho. J'ai appris beaucoup de secrets spirituels. Kuna wakati nilienda pei inaitwa Haiti. Un jour je suis allé en Haïti. Na nikaenda ninapenda sana vita za kiroho. J'aime beaucoup les combats spirituels. Na mimi ufanya ile sana. Et je le fais beaucoup. Sasa nikaenda kupigana na shetani. Je suis allé me battre avec le diable. Na ile siku shetani akanitokea. Ce jour-là le diable est venu. Akaniambia umenichokoza hapa tutaonana. Il me dit tu m'as provoqué maintenant tu vas me voir. Na nikasema ni sawa. Je dis pas de problème. Mimi oui. Niko na Yesu. Je Jésus. Na nilikuwa nimefanya makosa moja kubwa. Je venais de commettre une grosse erreur. Sikukua nimejiweka kwa madhabahu yetu nyumbani. Je ne me suis pas connecté à mon hôtel à la maison. Sasa shetani alinipiga raisi sana. Le diable m'a giflé sérieusement. Niligonjeka ovyo nilikuwa karibu nife. Tombé malade au point de mourir. Nilikuwa kwa koma. J'étais dans le coma. Wa daktari wazungu wanasema huyu atakufa. Les docteurs blancs disaient cet homme va mourir. Wakabeba bibi yangu wakaleta etazini. Ils ont pris ma femme, ils m'ont amené aux États-Unis. Nikasema huyu atakufa. En disant cet homme va mourir. Wakati niliamuka. Quand je me suis réveillé, swali ya kwanza, la première question, Baba, ni wapi nilikosea? Je dis à Dieu, où est-ce que je péchais? Akaniambia ulipanda juu sana, il dit, tu es monté plus haut na haukukua na sadaka ya kukufunika. Et tu n'avais pas l'offrande pour te couvrir. Nasema, ala, je me suis dit, ndio nikaanza kuetudia vizuri. Et j'ai commencé à apprendre correctement. Nikaelewa vitu mbili nataka niwaambie sasa. J'ai compris deux choses que je vais vous parler à ce moment. Ya kwanza, primo, madhabahu yetu hainge nitetea. Non, l'hôtel de mon église ne pouvait pas plaider pour moi. Sababu haikunijua. Parce que il ne me reconnaissait pas. Na unajua kama shetani atakupiga. Si le diable te gifle, lazima apige source ya nguvu yako. Il doit commencer par battre la source de ta force. Na nguvu ya source ya nguvu yako ni madhabahu yako. La source de ta force c'est ton hôtel. Sasa kama wewe hauko huko. Mais si toi tu n'y es pas repéré. Ataona tu yako peke yake nitapiga raisi. Il te dira ça c'est un électron libre, je vais chiffler facilement. Haitajulikana. Et ça ne sera pas connu nulle part. Hata pasta hatajua. Même le pasteur ne saura pas. Umepigwa. Que tu es frappé. Ataambiwa oh ndugu fulani amegonjeka in semaine kwa hôpital. On lui dira telle personne est malade à l'hôpital pendant cette semaine. Alafa tauliza, est-ce que c'est vrai? Il dira c'est vrai. Sababu jina yako haiko hapa. Ton nom n'est pas ici. Wacha jina kukua kwa kae ile noir hapana. L'important n'est pas que les noms soient dans le livre, le registre de l'église. Ni moyo wako ulete hapa. Amène ton cœur ici à l'autel. Kupitia matoleo yako. Par le canal de tes offrandes. Sababu matoleo yako ni wewe mwenyewe. Tes offrandes te représentent. Sasa nikajifunza ile. Je appris cela. Nikasema asante Yesu. Je dis merci Jésus. La deuxième fois nilienda mission ingine. Deuxièmement, je suis allé dans une autre mission. Hata baada ya kuomba siku mingi. Après avoir prié longtemps. Nilikuwa ninatafuta kitu yangu ya valeur. Je cherchais quelque chose d'importante pour moi. Na kitu ya valeur si lazima ikue pesa. Quelque chose de valeureux n'est pas seulement l'argent. Inaweza kuwa kitu ingine. J'ai remarqué une autre chose. Nikachukua nikaleta. Je l'ai saisi et je l'ai amené. Nikaenda vita. Je suis allé me battre. Wakati nilikuwa kule, quand j'y étais, siku ingine évêque yangu akaniandikia. Mon évêque m'a écrit. Akaniambia unajua walikuwa wamepanga kukuua. Tu sais qu'on envisageait de te tuer. Hata walichimba kaburi. Ils ont creusé même une tombe pour toi. Wakafanya uchawi. Ils ont fait des incantations. Wakasema watakumaliza. Disant qu'ils vont t'exterminer. Bwana aliniambia. Dieu m'a dit. Na nilikuombea. Et je priais pour toi. Na amesema ile vitu imekwisha. Et ces choses sont terminées. Na mimi niko nalala, nakula, nafurahi. Et moi là, j'ai dormi, j'ai mangé, j'ai savouré la vie. Nasema Mungu ilikuwa namna gani? Je disais Seigneur. Sababu shetani hangenipiga. Si le diable ne pouvait pas kabla hajapiga madhabahu yangu. Le diable ne pouvait pas me frapper avant de frapper mon hôtel. Sasa wengine tuko très exposé. Beaucoup de gens ici nous sommes exposés. Sababu hatutolei Mungu. Parce que nous n'offrons pas à Dieu. Wakati tunatolea Mungu. Lorsque nous offrons à Dieu, ni kwa avantage yetu. C'est pour notre propre avantage. Nataka uelewe ile kabisa leo. Je veux que tu le comprennes aujourd'hui. Si kwa avantage ya mchungaji. C'est pas pour l'intérêt du pasteur. Si kwa avantage ya kanisa. C'est pas pour le bénéfice de l'église. Ni kwa avantage yako. C'est pour ton propre bénéfice. Unajua sadaka yako. Tu sais que ton hôtel, ina represente wewe. Te représente personnellement. Ndio inifanya wakati mwingine sichukuangi sadaka zingine. Cela fait que quelquefois je ne prends pas certaines offrandes. Sababu unaona mtu ametoka kwa madhabahu ya giza ya nguvu sana. Tu vois que quelqu'un vient des hôtels maléfiques forts. Sasa ninapima, ninaona huyu niko na nguvu sahi ya kumuombea kweli. Je me demande est-ce que j'ai vraiment la force de prier pour cette personne sababu à ce moment. Nikichukua sadaka yake, si je saisis son offrande, nimechukua yeye na shida zake na madhabahu zake. Je le saisis avec ses problèmes et tous ses hôtels là. Sasa ninafaa niwe na moto ya kutosha ya kuchoma ile. Il me faut avoir assez de feu pour consumer cela. Kama sina moto ya kutosha, si je sens que j'ai pas assez de feu, nasema Mungu akubariki siku kwa peleka kwingine. Je dis merci pour cette offrande, amène-le ailleurs, que Dieu te bénisse. Si kukua mkarimu hapana. C'est pas que je suis gentil, non. Hapana. Non. Ninapima tu hii kitu kweli nawezana naye ama siwezane naye. Je mesure si j'ai vraiment la force de résister. Lakini wengine tunachukuanga tu ovyo ovyo. D'autres prennent seulement en cascade. Siku ingine kanisani kwetu. Et notre jour dans notre église. Ndiposa sisi uombea sadaka. Raison pour laquelle nous prions pour les offrandes. Les satanistes ont vu que nous les malmenons dans la ville. Ils sont venus avec leur offrande. Ils l'ont placée là-bas. Ils pensaient que nous allons directement prendre. Mettre dans la poche et aller utiliser. Ils ne savaient pas que nous avons le temps d'invoquer le feu dessus. Sasa tukaona pesa iko hapo ndani. Nous avons vu qu'il y a de l'argent. Billets mupia mupia mzuri. Des billets neufs. Tukasema wacha tuombe hii sadaka. On a dit prions pour. Sababu sadaka ilikuwa inaletwa kwa madhabahu. Ces offrandes qui sont amenées na madhabahu inakuwa na moto ya kuchoma. L'autel a le feu pour le consumer. Tukasema Mungu sadaka hizi ziteketezwe na moto yako. Nous avons dit à Dieu que ces offrandes soient consumées par ton feu. Kwa jina la Yesu. Au nom de Jésus. Tuliposema amen. Quand on a dit amen, zile billets mpya mpya zilikuwa zimehepa zote. Ces billets ont disparu de soi. Tukauliza namna gani ilienda. Nous nous sommes dit comment c'est parti. Hatukujua. Nous n'avons pas su. Tukashindwa hii mambo ni ngumu. Nous n'avons pas compris, ça nous a dépassé. Baadaye tuliposhika wale watu. Après nous avons saisi ces gens. Wakasema tumewajaribu. Ils ont dit nous vous tentions. Hata tuliwaletea pesa. Même si nous vous avons apporté l'argent. Baada hiyo pesa hamukuchukua. Vous n'avez même pas pris cet argent. Ah, nyinyi muko très attentive. Comment vous êtes si sensible? Ngasema eh. Lakini wengine wetu? D'autres? Wewe umekosa pesa ya gari? Parce que tu manques l'argent du véhicule. Umekosa pesa ya moto? Tu n'as pas l'argent de moto? Unakubali tu mtu yote anakulipia. Tu acceptes que tout le monde te paye. Sababu unaona sadaka ni wewe. L'offrande c'est toi. Sasa nikikupatia sadaka, lorsque je te donne l'offrande, ni mimi nimejipatiana kwako. C'est moi qui m'offre à toi. Sasa umenibeba umeenda na mimi. Maintenant tu me portes et tu pars avec moi. Sasa mtu anakupatia na haumjui. Quelqu'un te donne et tu ne le connais pas. Wewe unabeba watu étrangers kwa nyumba yako. Tu amènes des étrangers chez toi. Kuanzia hiyo siku unaanza kupata shida. Depuis ce temps là tu commences à connaître des problèmes. Sababu umeleta watu wageni kwa nyumba. Parce que tu as amené des personnes étrangères chez toi. Na pia wewe unachukua pesa zako. Unachukua fedha zako. Tu prends ton argent. Unapatiana kwa watu wenye haujui. Tu donnes à des gens que tu ignores. Haujui wanafanya kazi na esprit gani. Tu ignores l'esprit qui œuvre avec eux. Alafu wewe unawapatia. Toi tu leur donnes. Sababu unajua nikipatiana, lorsque je donne, ninapokea yenye yako nayo. Je saisis ce que la personne a. Sababu hatupatiani bure. On ne donne pas pour rien. Wakati unapatiana, lorsque tu donnes, unapokea yenye yako nayo, tu reçois ce que la personne na a. Na unapatiana yenye uko nayo. Et toi tu lui offres ce que tu as. Sasa wewe unabeba vitu étranger unaenda nayo kwa nyumba. Maintenant toi tu acquéris des choses étrangères. Kwanza hiyo siku shida zinakuja kwako. Depuis ce jour des problèmes viennent. Unaanza kusema ni nini? Tu commences à dire qu'est-ce qui ne marche pas. Ndipo hatukuangi wepesi kupokea vitu zenye hatujui. Ne soyons pas aptes à ressaisir, à saisir des choses de la part des gens que nous ignorons. Tulete sadaka kwa nyumba ya Mungu. Amenons nos offrandes à l'église. Kwa sababu kwa madhabahu ya Mungu, à l'autel de Dieu, kuna promise mbili za nguvu sana. Il y a des promesses fortes. Promise mbili tu. Il y a des fortes promesses. Zinafanya kazi hapa. Qui œuvre ici? Ya kwanza, primo, ni uzima ya milele. C'est la vie éternelle. Yesu akasema, Jésus a dit, yeyote ataniamini, tout celui qui va croire à moi, il obtiendra la vie éternelle. Nous obtenons la vie éternelle via l'autel de Dieu. Deuxième chose, Pierre demanda à Jésus, on a tout abandonné pour te suivre, qu'allons-nous recevoir de toi? Jésus lui a dit, vous obtiendrez le centuple de ce que vous aviez abandonné sur terre. Ça c'est la promesse qui est dans la maison de Dieu. Lorsque nous venons avec nos faiblesses ici, toi tu es malade. Wakati unatoa sadaka yako, lorsque tu donnes tes offrandes, ni magonjwa yako unaweka kwa madhabahu, ce sont tes maladies que tu déposes à l'autel, ili upate uzima, afin que tu obtiennes la vie. Sababu hawezi ukapata uzima ya milele, tu ne peux pas recevoir la vie éternelle, kama wewe umekufa, si toi tu es mort, na umekufa tu ndani ya dhambi, et que tu es mort dans le péché, utapata uzima kwa madhabahu. Tu vas obtenir la vie à l'autel. Tu recevras la guérison à l'autel. Lorsque je suis tombé malade, j'étais vraiment malade. Lorsque l'église s'est mise debout et priait pour moi, c'est là que les docteurs ont su repérer le vrai problème. Et ils ont commencé à me soigner. Imaginez hôpital mzuri sana duniani. Imaginez un bon hôpital dans le monde. Na walikuwa hawajui wananitibu nini. Ils ne savaient pas quelle est ma maladie. Lakini ilihitaji kanisa iniombe. Il a fallu que l'église prie pour moi. Ndio wajue wananitibu nini. Pour qu'ils sachent la maladie. Ndio akili irudi. Et c'est là que l'intelligence est revenue. Sasa kutoa ni wewe unajitoa kwa madhabahu ya Mungu. Lorsque tu offres toi-même, tu t'offres à Dieu. Yo nilikuwa naleta tu introduction. Ça, ce n'était que l'introduction. Sasa nataka nionge aina sita ya kutoa. J'aimerais parler de six sortes d'offrandes. Na wakati tunatoa hivyo, et lorsque nous offrons ainsi, tunakutana na Mungu kwa faso tofauti tofauti. Nous rencontrons Dieu par plusieurs manières. Mungu hakutani na sisi kulingana na mahitaji yetu. Dieu ne nous rencontre pas proportionnellement à nos requêtes. Mungu kutana na sisi kulingana na mbegu yetu. Dieu nous rencontre à la mesure de notre semence. Sema, pastor, unasema maneno ya mbegu sasa. Tu veux dire, ah là tu parles de semence, c'est quoi ça? Lakini, ebu nikuulize swali. Je te pose une question. Ukiangalia kitabu cha Genèse chapitre 8 na waza. Genèse chapitre 8. Verset 20, 22, 21, 22. Verset za mwisho. Le dernier verset, 20, 22. Huyu ni Noah. Là c'est Noé. Sasa anataka kutoka kwa safina, ametoka kwa safina. Il est en train de quitter l'arche. Kitu ya kwanza alifanya alimtolea Mungu sadaka. La première chose qu'il a fait c'est d'offrir à Dieu l'offrande. Ile sadaka ilifanya nini? Qu'est-ce que cette offrande a fait? Est-ce que wakati alitoa ndege mbili alipata ndege 100? Hapana. Lorsqu'il a donné deux pigeons, il a réussi autant? Non. Hapana. Non. Ilifanya Mungu azungumuze. Cela a fait que Dieu parle. Ilifanya Mungu aongee mambo ya destiny yake. Cela a poussé à Dieu de parler de sa destinée. Ilifanya sauti ya Mungu ikuje. Cela a attiré la voix de l'Éternel. Sadaka zetu, nos offrandes, kitu ya kwanza zinafanya, la première chose que ça produit, zina attire attention ya Mungu kwetu. Ça attire l'attention de Dieu sur nous. Sasa Mungu anaanza kusema, huyu nitambariki. Et maintenant Dieu commence à dire, celui-ci, je vais lui bénir. Wakati Abraham alienda kutoa sadaka, lorsque Abraham est allé donner l'offrande, Mungu akageuka akasema, Abraham, nimejua unanipenda. Dieu s'est tourné et dire, Abraham, je sais maintenant que tu m'aimes. Kukubariki, nitakubariki. Je vais vraiment te bénir. inatire attention ya Mungu. L'offrande attire l'attention de Dieu. Unataka kuattirer attention ya Mungu? Veux-tu attirer l'attention de Dieu? Jifunze kutoa. Apprends à offrir. Wakati Elijah anataka kuomba mvua irudi. Lorsque Élie voulait demander que la pluie vienne. Nini alifanya ya kwanza? Qu'est-ce qu'il a fait en premier lieu? Alitolea Mungu sadaka. Il a offert à Dieu l'offrande. Wakati Mungu alikubali sadaka. Lorsque Dieu a agréé cette offrande. Elijah alijua sasa ni wakati mzuri ya kuomba. Et lui a dit c'est le moment maintenant de prier. Maombi yangu itasikika. Ma prière sera exaucée. Sadaka ni ya importance. L'offrande est tellement importante. Dans notre relation yetu na Mungu. Dans notre relation avec Dieu. Kuna aina tofauti ya sadaka. Il y a différentes sortes d'offrandes. Wacha nizitaje tu haraka. Je vais vite les citer. Alafu nizungumzie moja baada ya nyingine. Et je parlerai de l'un après l'autre. Nisipomalizia zingine utamalizia. Si je ne finis pas, toi tu finiras. Ya kwanza ni dîme. Primo, il y a la dîme. Dîme ni aina ya kutoa. C'est une sorte. Ya pili tunaita malimbuko. Segundo, ce sont le prémisse. Prémisse. Yes, yeah, premises. Prémisse. OK. Français ni intéressant. Ya tatu ni nadiri ama ve. Tertio, ce sont le vœu. Ya ine nitasema sadaka sacrifice. Quarto, ce sont le sacrifice. Ya tano ni kutoleana wengine katikati yetu. Quinto, s'offrir les uns et les autres. Yasita sadaka za shukurani. Sixto, ce sont les offrandes d'action de grâce. Nilikuwa nimeongea tatu ine kwa ibada ya kwanza. Je parlais des quatre éléments au premier kilt. Sasa wacha nirudie tena. À présent, je vais y revenir. Kwa sababu wengine wako kwa ibada ya kwanza. Parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas été au premier kilt. Dime kazi yake ni nini? C'est quoi le rôle de la dîme? Na watu wengine usema dîme ni Ancien Testament. D'autres personnes disent que la dîme c'est pour l'Ancien Testament. Sasa sisi ni watu ya Nouveau Testament. Et que nous sommes de la nouvelle alliance. Si, watu ya sheria tena. Nous ne sommes pas ceux de la loi. Yesu alivunja sheria, alimalizia. Sisi tuko chini ya neema. Jésus a brisé la loi et que nous sommes sous la grâce. Lakini hiyo ni theologia imepotea. Ça, c'est theologia mbaya. Ça, c'est une mauvaise théologie. Sababu, wakati Biblia inaongea habari ya sheria. Lorsque la Bible parle de la loi, inaongea faso ya kumfikia Mungu. Ça nous montre la voie pour atteindre Dieu. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, tulikuwa tunafikiaje Mungu? Comment nous accédions à Dieu? Tungeenda kwa kuhani, nous pouvions aller chez les sacrificateurs, tutoe sadaka fulani, donner l'offrande. Yeye ndiye aombe ifike kwa Mungu. Il prie pour que ça soit agréé par Dieu. Asikie naye atulete, et que asikie majibu atulete. Et qu'il obtienne les réponses pour nous les apporter. Mais dans la nouvelle alliance, nous n'avons pas besoin de ces procédures. Nous passons par les canaux de Jésus. Et nous atteignons Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, il n'a pas appelé Emmanuel. Lakini ndani yetu yeye anaitwa Emmanuel. Mais en nous, il est appelé Emmanuel. Kwa sababu yeye yuko pamoja na sisi. Parce que c'est Dieu est avec nous. Dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancienne Alliance. Ule mzee anaitwa zambi. Le vieux qui est appelé péché. Alikuwa anakaa ndani ya mioyo yetu. Il habitait dans nos cœurs. Sasa Mungu akisema usifanye hii. Et si Dieu dit ne fais pas ça, ile mzee anasema sasa ufanye. Ce vieux-là dit fais-le maintenant. Sababu anataka tu ukosane na Mungu. Parce qu'il veut que tu sois en conflit avec Dieu. Dans le Nouveau Testament, dans la nouvelle alliance, sasa ni Yesu anakaa ndani yetu. C'est Jésus qui habite en nous. Na Yesu anafurahia sheria ya Mungu. Et il aime la loi de Dieu. Sasa ikiandikwa fanya hii, et si on dit fais ceci, sababu Yesu yuko ndani yetu. Parce que Jésus est en nous, inakuwa facile kufanya. Ça devient facile à faire. Sasa Ancien Testament na Nouveau Testament unaona tofauti. Il y a une différence entre l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ya kwa ndani ya Ancien Testament sisi hatukukua na capacité ya kutii Mungu. Dans l'Ancien Testament, nous n'avions pas la capacité d'obéir à Dieu. Lakini ndani ya Nouveau Testament tuko na capacité sababu tuko na Yesu ndani yetu. Dans le Nouveau Testament, nous sommes capables parce que Jésus est en nous. Na kwa sababu Yesu alikuja, et parce que Jésus est venu, hakuondoa chochote kwa maandiko. Il n'a rien enlevé dans les écritures. Il est venu accomplir. Sasa akiwa ndani yetu, et lorsqu'il est en nous, kuifuata sheria ya Mungu ni rahisi. Il est facile pour nous d'obéir à la loi de Dieu. Sasa tunaweza toa dîme. Maintenant nous pouvons donner la dîme. Hata Ancien Testament ikisema 10%. Même si l'Ancien Testament parle de 1 sur 10. Na Nouveau Testament sisi tunaweza sema tunakupenda nitakutolea 20%. Dans le Nouveau Testament tu peux te dire je te donne 20 sur 10 ou 20 2 sur 10. Sababu sasa ninafurahia sheria ya Mungu. Parce que j'aime tellement la loi de Dieu. Imeandikwa kwa moyo wangu. C'est inscrit dans mon cœur. Ninaweza kufanya kuliko vile iliandikwa. Je peux faire plus que ce qui est écrit. Kwa sababu ni rahisi. Parce que c'est facile. Tunaelewa tofauti sasa. Est-ce que nous comprenons? Sasa siku nyingine mtu akwambia oh ni sheria umwambie eh lakini Yesu sheria ndani yangu anaipenda. Ah, si quelqu'un te dit que non, ça c'est la loi de l'Ancien Testament, dis-lui, Jésus est la loi en moi et il aime cette loi. Ali accomplir ile sheria na mimi ninaifurahia. Jésus a accompli cette loi et moi je l'aime. Sababu yeye yuko ndani yangu. Parce qu'il est en moi. Nitaifanya. Je veux le faire. Nitaifanya hata kama alisema 10% mimi nitafanya 30%. Je veux l'accomplir même s'il a parlé de 10%, moi je vais aller au-delà. Alléluia. Amen. Sasa dîme objectif yake ni gani? Quel est l'objectif de la dîme? Dîme inasécurise vitu yetu yote. La dîme protège nos richesses. Vitu yote inakuwa sécurisé. Tout ce que nous avons est sous la protection. Wakati tunatoa dîme, lorsque nous donnons la dîme, hii vitu yote imebaki, toutes ces choses qui sont restées, inakuwa na onction ya Mungu. Sont couvertes de l'onction de Dieu. Mutu akigusa, si quelqu'un touche pour en abuser, ni kama amegusa vitu ya Mungu mbinguni, c'est comme s'il touche les affaires de Dieu dans les cieux. Watapatana na Mungu. Ils vont se battre avec Dieu. Depose wakati unatoa dîme, lorsque tu donnes la dîme, alafu wajaribu kukuibia mshahara, et qu'on essaie de détourner ton salaire. Kule kazini. Au travail. Wao ndio wako taabani. Ce sont ces gens qui seront frappés. Wewe acha kujitetea mingi. Laisse de beaucoup parler à ton sujet. Acha kuandika ma email mingi. Cesse de beaucoup t'expliquer par des emails. Watakuja wakilia. Ils viendront en train de pleurer. Nasema hivyo kwa sababu gani? Pourquoi je le dis? Mimi wana kazini kwetu. Je vis là où je travaille. Ninapita naona colleagues zangu kazini. Je passe, je vois mes collègues au travail. Ninaona colleague mwingine. Je vois un collègue. Ninaanza kuwa na intérêt. Je commence à sentir l'intérêt. Analipwanga pesa ngapi? Combien il est payé cette personne? Na, est-ce qu'il a ametumika miaka ngapi? Il a travaillé combien d'années? Wamempandisha cheo ama hapana? On l'a promu dans la fonction ou pas? Na si ati niko na relation na yeye. Je sina relation ingine na yeye. C'est pas que j'ai une relation avec la personne. Naingia kwa bureau ya resources humaines. J'entre dans le bureau des ressources humaines. Anza kuuliza huyu mnamfanyanga namna gani? Je demande comment vous traitez cette personne? Amufikirini wakati mzuri ya kumuongezea. Vous ne pensez pas qu'il est important d'ajouter son salaire? Watu wanakosa kulala sababu yako. Les gens ne dorment pas à ton sujet. Sababu wewe unatoa dîme. Parce que tu offres la dîme. Ni vizuri kutoa dîme. Il est tellement important de donner la dîme. Lakini kama hutoi dîme. Mais si tu ne le donnes pas. Watu watakuwa wanapanga vile watachukua yenye imebaki. Les gens seront en train de planifier comment ravir même ce qui est resté. Utakuwa unasema nakemea. Tu diras, je prends autorité, je chasse. Nandio wanakuja wanachukua. Et c'est là qu'ils viennent nombreux et prendre encore. Wanachukua kwa fujo sana. Ils prennent avec beaucoup de bruit. Hadi unashindwa nitafanya namna gani? Et tu ne sauras pas quoi faire. Ya pili kwa haraka haraka. Deuxièmement. Malimbuko. Le prémisse. Proverbe chapitre 3 verset 9 à 10. Eh? Proverbe chapitre 3 verset 9 à 10. Yo utasoma polepole tena peke yako. Tu vas lire toi-même calmement. Proverbe chapitre 3 verset 9 à 10. objectif yake ni nini? Quel est l'objectif de cela? Malimbuko ufanya vitu zetu zipanuke. Le prémisse font qu'à ce que nos affaires s'élargissent. Ndio offrande yenye Mungu anatumia kutupanua. C'est l'offrande que Dieu utilise pour nous élargir. Unataka Mungu akupanue? Veux-tu que Dieu t'élargit? Jifunze kutoa malimbuko. Apprends à donner le prémisse. Siku ingine nilitaka promotion mahali ingine. Nilitaka nipandishwe mahali ingine. Un jour je voulais être promu, avoir la promotion au travail. Nikapima ile salari ninataka. Je essayais cela. Nikachukua ile pesa. Je pris mon salaire. Yenye inafanana na yenye ninataka. Je pris l'argent qui correspondait à ce que je voulais. Nikaleta nikasema Mungu hii ni malimbuko yangu kwa sababu ya vile utanipatia. Et je disais à Dieu, ça c'est mon prémisse proportionnellement à ce que tu vas me donner. Na akanipatia. Et il me l'a donné. Nilifanya na alinipatia. Je le fais et il a agi. Iko possible kupatiwa. Il est possible de recevoir. Unataka upanuke? Veux-tu être élargi? Hebu jifunze kutoa malimbuko. Apprends à donner le prémisse. Kuna matoleo aina tofauti nimetaja. Il y a différentes sortes d'offrandes que nataka nitaje hii ya mwisho. Je vais parler du dernier. Ambayo ni maombi matoleo ya shukrani. Les offrandes d'action de grâce. Unajua Mungu amekutendea kitu. Dieu s'il a fait quelque chose pour toi. Na Yesu anasema. Et Jésus dit, apendaye uhai wake kuliko mimi ataupoteza. Celui qui veut sa vie plus que moi, il va la perdre. Ama mwenye anachunga uhai wake ataipoteza. Celui qui protège beaucoup sa vie, il va la perdre. Sasa Yesu amekupatia uhai, amekupatia guérison. T'a donné la vie, la guérison. Mwili yako iko sawa. Ton corps est en bonne santé. Sécuriser ile guérison. Sécuriser cette guérison. Kwa kumrudishia kwa madhabahu. En le ramenant à l'autel. Mimi niko mzima kabisa. Oui, je suis en bonne santé. Sasa nataka nishukuru Mungu. Je vais rendre grâce à Dieu. Ninaleta Mungu matoleo ya shukrani. J'amène l'offrande d'action de grâce. Nini ninampatia? Je donne à Dieu. Ninamwambia hii uzima umenipatia iko mzuri sana. Je dis la vie que j'ai elle est bonne. Nataka nikupatie. Je vais te donner. Alafu wewe unichungie. Et que toi tu gardes pour na moi. Niendelee kukaa na hiyo uhai. Et que je continue avec cette bonne santé. Kwa jina la Yesu. Au nom de Jésus. Sababu chenye kilitendeka. Ce qui a été fait. Ulikuwa mgonjwa. Tu as été malade. Ukakuja. Tu es venu. Ukaombewa. On a prié pour toi. Ukakunywa dawa. Tu as pris le médicament. Yesu akachukua magonjwa yako. Jésus a pris ta maladie. Ukaenda na uzima yake. Tu es allé avec sa vie. Sasa unataka kuchungia ile uzima. Maintenant tu veux qu'il protège cette santé. Jamini sumrudishie kwa madhabahu kupitia shukrani. Remets-le-lui par le canal des offrandes d'action de grâce. Sababu huyo ni wewe sasa. Parce que ça c'est toi maintenant. Uko mzima. Tu es vivant. Utampatia hiyo shukrani. Tu vas lui donner cette action de grâce. Kwa jina la Yesu. Au nom de Jésus. Karibu pasteur. Bienvenue pasteur. Ce matin, il y a unité entre moi et ce qui m'appartient. Et quand je donne à Dieu, je me donne moi-même. Et quand Dieu prend mon offrande, il me prend. Autrement, quand j'apporte mon offrande, je répare avec ce que Dieu avait. Je lui laisse ce que j'avais. Je lui laisse mon vide. Et je pars avec la réalité spirituelle de ce dont j'ai besoin. Il y a des choses dont j'ai besoin, mais qui sont spirituelles et qui sont chez Dieu. Lorsque j'apporte mon offrande, je lui laisse l'offrande et je reviens avec la bénédiction qui est un potentiel, qui est une capacité, qui est une provision surnaturelle. Et vous savez, c'est le surnaturel, l'invisible, qui contrôle le visible. J'apporte à Dieu ce qui est visible, palpable. Je retourne avec ce qui n'est pas visible, mais qui est plus puissante que ce que je lui ai apporté. Ça va? Est-ce que ça va? Nous sommes donc appelés à monter à une nouvelle dimension, mes frères, mes sœurs. Lorsque nous parlons des donateurs sans réserve, il s'agit de ceci. Il s'agit de quelqu'un qui a compris c'est quoi l'offrande et qui fonctionne là-dedans. Il s'agit de quelqu'un qui a compris l'offrande au point que ça devient une nature Pour lui, donner, c'est une nature. Ce n'est pas un bricolage. Ce n'est pas une manœuvre. Ce n'est pas, c'est pas des tâtonnements. Mais c'est une vie. Les retombées sont incommensurables. Les retombées sont énormes. Et nous devons ce matin prier Dieu et dire, Seigneur, délivre-moi de l'attachement à mes trésors ou à mon trésor, à mes richesses. Quelqu'un doit connaître et expérimenter une délivrance au niveau de son esprit afin que désormais, pour lui donner, devient naturel. Donner à Dieu devient normal. Mais quand ça devient normal, en fait, ta vie monte à une nouvelle dimension. Tu montes dans une sphère de vie avec Dieu que nous appelons la complicité financière avec Dieu. Tu ne trembles pas pour donner. Tu peux donner des choses à Dieu et les gens autour de toi vont s'étonner et dire, mais qu'est-ce qu'il est devenu fou celui-là? Comment il peut donner jusqu'à ce degré-là? C'est ça qui manque à l'église aujourd'hui. On nous a bien dit, ce n'est pas que Dieu a besoin d'argent. Il nous a dit au premier culte, un jour, Jésus avait besoin de payer l'impôt. Et il s'est rendu compte qu'il était avec Pierre. Et que Pierre, c'était un expert de la pêche. Il dit à Pierre, va à la pêche, tire le premier poisson, ouvre-le et tu vas trouver l'argent dedans. Amène ça, nous allons payer. Ah bon? Donc Jésus, tu sais même là où il y a un poisson qui détient de l'argent? Bonne assurance. Donc, si Dieu a besoin d'argent, il peut prendre là où il veut. Nous ne voulons pas aller sur le terrain où on dit, on a entendu ce genre de choses, où l'argent va tomber dans la chambre. Et puis j'ai dit, Seigneur, merci, je prends le paquet, il y a 2 millions de dollars. Non? Parce que même l'État va venir pour vérifier cet argent-là. Est-ce que ce sont des faux billets ou des vrais? Est-ce que Dieu est parti prendre l'argent dans la banque, dans le coffre-fort, et il a fait monter ça au ciel, c'est venu dans ton plafond, et puis c'est tombé dans ta chambre? Dieu ne fonctionne pas de cette façon-là. La bénédiction de Dieu est surnaturelle. Les potentiels que Dieu nous donne en réponse à notre offrande est invisible. Mais ce qui est invisible là est plus puissant que ce qui est visible. Si les voleurs peuvent voler ta richesse visible, il ne saura pas voler ta richesse invisible. Or, nous échangeons nos richesses visibles avec la richesse invisible par le moyen de l'offrande. Buona sifiwe. Est-ce que quelqu'un est en train de vouloir devenir un donateur sans réserve? Je peux le voir. Le donateur sans réserve. Oh. Maintenant, vous comprenez que donateur sans réserve, ce n'est pas une guerre. Que le pasteur là, il est en train de vouloir, là, il cherche notre argent. Hein. Frère, je ne cherche pas votre argent. Mais c'est vous qui cherchez votre argent. Tu peux avoir des comptes à banque. Et puis la banque tombe en faillite. Est-ce qu'on n'a pas connu ça? Vous en connaissez, non? Est-ce qu'il n'y a pas qui pleure son argent jusqu'à aujourd'hui? Oh non, mais j'ai mis mon argent en sécurité. Sécurité? Hein? Ok, sécurise. La vraie sécurité, c'est ce compte au ciel. La Bible dit, mettez nos trésors au ciel, où la teigne et la rouille n'accèdent, où les voleurs n'arrivent. Mais au ciel, là, c'est quoi? C'est une autre façon de dire, transformez vos richesses en richesses invisibles. Transformons nos richesses en richesses invisibles, où les voleurs ne touchent. Et comment on les fait? On amène ça à l'autel. On amène ça à Dieu. Buonasfiwe. Lève-nous, on va prier. La prière que tu vas faire, c'est de dire, Seigneur, délivre-moi. Chacun va demander sa délivrance. Nos cœurs sont enfouis là où nos trésors sont allés, sont cachés. C'est là que aussi nos trésors ou nos cœurs se cachent. On doit partir de là, de ces cachettes de nos trésors et revenir à Dieu et dire, Seigneur, toute chose dont tu as besoin, que je détiens, prends. Est-ce qu'on peut dire ça à Dieu? Seigneur, il est qui tunaona kiunao lazima uikamate. Vous voyez le besoin de la délivrance? N'est-ce pas que ton cœur vient de refuser? Je dis, ah bon? Donc si Dieu dit qu'il veut ma maison, qu'il prend ça. Si munaona, si munasikia hiyo. Vous sentez ça dans votre cœur, non? Si Dieu dit... Donne-moi ta maison. Ah, le pasteur nous a fait faire une mauvaise prière. Il a dit qu'on dise à Dieu que Dieu, tout ce que tu as besoin avec moi, prends. Ah, ah. Donc ce Dieu est dangereux, il risque de... Écoutez, la question de l'offrande a été dénaturée dans l'église parce qu'il y a eu beaucoup de malfaiteurs. Des malfaiteurs. Malgré la présence des malfaiteurs, frères et sœurs, la loi de Dieu ne change pas. Ce n'est pas parce qu'il y a des faux billets. Il n'y a pas de frais. Que le billet de 100 dollars est supprimé. Il y a le vrai et le faux. Ton problème, c'est de découvrir le vrai. Or, là où tu te tiens ce matin, c'est du vrai. C'est du vrai. C'est du vrai. Ce n'est pas parce qu'un pasteur a volé l'argent ou il a dribblé ses membres. Rabababa chaka. Maman, toi tu portes le pagne comme ça là. La chose que tu as au cou là. Ça, Dieu me dit. Et puis les yeux deviennent rouges. Et puis avance. Frère, ce genre de choses, même s'il y en a qui les ont fait, ça n'annule pas le fait que Dieu peut te demander. Il a dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te montrerai. Vous voyez, ça ressemble à cette pratique-là. Prends tes bijoux, ce que tu aimes, ce que tu as au cou. Avance à l'autel et là offre-les en holocauste. Ça se ressemble, hein? Alors que celui-là qui fait ça, c'est un mauvais, mais ça n'annule pas le fait que Dieu peut le faire. Le problème, c'est au fond de notre cœur. On a besoin de la délivrance. Nous sommes tellement accros aux richesses, aux trésors, tels que nous avons des difficultés de fonctionner dans la maison de Dieu. On est déjà sauvés. Nous appartenons à Dieu. Il a dit, vous serez mes fils. Je serai votre père. Nous sommes dedans. Mais qu'est-ce qui fait que tu sois dans la maison du père et que le père a besoin de quelque chose et que tu dises, papa, il est à Outagoussa. ili hapa hapana sitaki. Hii ni yangu. Usiguse hapa. Je suis toujours ton père. Ndio. Nisiguse. Ndio. Que signifie père? Père signifie source. Voyez le mystère. Père signifie source. Donc, je suis ton père, oui. Donc, je suis ta source, oui. Donc, ce que tu es venu de moi, oui. On a ce manini. Aussi gousse. Tu ne touches pas. Hein? D'accord. Toi, tchane, wazima. Bakina unayo, reste avec ce que tu as. Et moi, je reste avec la source. Et on va voir qui va subsister. Parce que tu es, comme c'est déjà physique, c'est voué à la disparition. Ce que tu n'as pas, qui est spirituel, ça a la vie et ce n'est pas soumis aux intempéries. N'avez-vous pas vu même la chose que tu estimes la meilleure, peut-être c'est la meilleure voiture de ces derniers jours. Après 6 mois, observez seulement, il y a beaucoup de conducteurs de voitures ici. Regardez quand vous roulez sur l'avenue ici, là, sur la route. Si vous avez une voiture qui est n'importe quoi, vous roulez librement. Vous avez déjà vu ça? Mais si quelqu'un vient et sa voiture, c'est ce genre de voiture précieuse là, il ne court pas. Hein? Il roule avec attention. En fait, quel est son problème? Que la moto ne le gratte pas. Quel est son problème? Que les autres conducteurs ne le crachent pas. Parce que déjà, les clignotaires coûtent $500. C'est tellement précieux. Et on roule de manière précieuse. On monte les vitres. Mais après 6 mois, tu te sors de ta maison le matin, tu veux monter dans la voiture, tu la trouves moche. Personne ne l'a grattée. Mais comme tu l'as déjà roulée 6 mois, durant 6 mois, elle a perdu son éclat dans ton esprit. Mais dans l'esprit des voisins, quand tu sors de la clôture, ils disent, oh, yo, le nato katena. Pendant que toi, dans ton cœur, la voiture est en train d'être périmée. Tu as donc besoin d'une autre, plus précieuse que celle-là. Mais où se trouve le stock de ce qui est plus précieux? C'est dans l'invisible. Et dans l'invisible, c'est où? Chez celui qu'on appelle Père. C'est à lui, celui qui est la source des voitures. Et donc, quand Dieu te dit, donne-moi cette voiture, je vais m'en servir pour envoyer des missionnaires. Tu dis, Mungu, yangu, hautagusa, tu ne touches pas. Je suis connu dans cette ville. Comment les gens vont me voir sans ma voiture? Ça s'appelle quoi? Je ne sais pas, Rolls, ça s'appelle quoi là? Il y a des Rolls ici? Dans cette ville-là. Vous voyez, il y a un moment, on a commencé à parler de Obama, voiture Obama. Aujourd'hui, même le nom-là commence à perdre. C'est tout qui n'est plus au pouvoir de l'autre côté-là. Moi, je roule en Obama. Tu roules en Obama. Mais il y a des Obama qui ne sont pas encore fabriqués. Parce que ça portera le nom de celui qui sera là à ce moment-là. Je ne sais pas s'il y a des voitures Trump maintenant. Buona sfiwe. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Je suis en train d'essayer de te montrer que tu as besoin de dire, Seigneur, délivre-moi. Il y a quelque chose qui doit s'opérer. Il y a une rupture qui doit s'opérer dans ton esprit par rapport à tes trésors. Commençons à prier. Prions le Seigneur.